bout du fil, j'ai Yannick Marcil. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste. Vous êtes régulièrement appelé à commenter l'actualité économique et politique dans de nombreux médias canadiens et étrangers. Et c'est le quatrième sujet de votre chronique mensuelle. Rappelez-nous d'abord le but de cette chronique, les utopies concrètes. Bien, en fait, on essaie de voir des problèmes, des réalités concrètes que nous, auxquelles nous faisons face et comment on peut les régler. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'utopie, parce que c'est souvent des visions un peu, de rêveurs, mais on tente de les rendre un peu plus concrètes dans notre quotidien à nous tous. OK. Et puis, ce mois-ci, vous allez nous parler d'une utopie concrète en particulier? Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de vous parler de développement durable, qui est une espèce de mot fourre-tout, hein. C'est rendu depuis quelques années, là, un des mots à la mode, là, avec la gouvernance et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, on veut tous un développement économique durable, mais effectivement, comme concept fourre-tout, on y met un peu tout et n'importe quoi. Ah oui? C'est quoi le problème avec le développement durable? Ben, écoutez, c'est un concept qui ne date pas d'hier. Hein. On pourrait le faire remonter à la fin des années 60, début des années 70, avec le fameux rapport du Club de Rome qui nous avertissait que si on continuait à gérer nos sociétés, l'environnement, notre économie, de la manière à laquelle on le fait, on arrivait inévitablement dans un mur. Et dans les années 80, en fait, plus précisément en 87, il y a un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement que l'ONU avait demandé. Le rapport, on l'appelle souvent le rapport Brundtland, donc du nom de l'auteur qui l'a coordonné. Qui faisait partie du Club de Rome, ou non? Est-ce qu'il faisait partie du Club de Rome? Non, pas du tout. Non, c'était vraiment là bien après, là, en 87, où on avait réfléchi sur la notion même de développement économique par rapport aux problèmes écologiques que ça engendrait. Okay. Et grosso modo, l'idée est assez simple. C'est que le développement économique, la machine économique, fait des ponctions importantes dans nos ressources naturelles non renouvelables. Et si on veut poursuivre ce développement économique-là, je veux pas m'en dire, on n'aura plus de ces ressources-là parce que par définition, elles ne sont plus renouvelables. Donc, on pense bien sûr à l'énergie du pétrole et du gaz, on pense aux ressources minières, etc. Et ce rapport-là a été important parce qu'il a nommé cette notion de développement durable en disant, et là, je cite le rapport, là, le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Mmh. Donc, on a introduit cette notion que ce qu'on fait présentement, donc ce développement économique, l'exploitation économique des ressources, doit tenir compte du futur, doit tenir compte donc des générations qui s'en viennent et qu'elles pourront bénéficier, dans l'objectif qu'elles pourront bénéficier de cette croissance économique-là comme nous le faisons. Cela pose problème à plusieurs égards, mais cela pose problème parce que nous devons décider présentement pour une réalité que nous ne connaissons pas dans un futur lointain, dans 50, 100 ans, par exemple. Oui. Donc, on doit prendre des décisions présentement en imaginant un monde qui n'est pas le nôtre. Hein, quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire en politique actuellement. Mais de moins en moins. C'est ça qui est un peu paradoxal. Alors qu'on parle sans arrêt, comme je le disais dans le prélude, de développement durable, c'est une espèce d'outil marketing même pour les entreprises en disant qu'elles sont éco-responsables, etc. Nous sommes tout de même dans une ère où on a une vision à très, très court terme. C'est vrai en politique, comme vous venez de le dire. C'est vrai dans la gestion des affaires économiques. Ce qui compte, dans le fond, c'est le prochain trimestre, voire même si on est un peu audacieux, et je le dis en rigolant, bien sûr, la prochaine année. Hein. Mm-hmm. Donc, on n'a pas une vision à très long terme dans nos décisions réelles. Mais on se gargarise de ce concept-là, qui est un peu paradoxal en quelque sorte. Comment développer l'économie de façon durable? Si on développe l'économie, nécessairement, on va faire une ponction objective sur les ressources Oui, en effet, on voit difficilement comment concilier ces deux visions-là, hein? Le long terme et très court terme. J'imagine que c'est là que vous en allez. Exactement, exactement. En fait, je m'appuie sur un ouvrage, on pourra le mettre éventuellement, là, la référence pour votre site web, là. Un petit ouvrage qui a été publié au Presse Universitaire de France l'année dernière de Franck Durbaz, c'est un philosophe, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Philosophie du développement durable ». Je le mentionne parce qu'il est fort intéressant et inédit en ce sens que c'est une réflexion philosophique sur la notion même de développement durable et non pas une réflexion donc d'un économiste, d'un sociologue, d'un spécialiste de l'écologie. Il s'interroge sur notre attachement existentiel, philosophique, moral, non tous les aspects qu'on peut. Civilisationnel. Pardon? Civilisationnel. Exactement, exactement, c'est le bon terme. C'est comment cette notion de développement est à ce point ancrée dans notre façon de penser que de parler même du développement durable, ça devient complètement contradictoire. Parce que si on veut être durable, il faut ralentir ce développement-là, ou à tout le moins, il faut le penser de façon complètement différente de ce qu'on a pensé dans les, je sais pas, 150 ou 200 dernières années depuis le début de la révolution industrielle. Oui. Alors, l'auteur nous dit, en fait, que, effectivement, c'est une contradiction. Et je me permets de le citer un petit peu parce que c'est vraiment bien tourné. Oui. Alors, il nous dit, l'affaire est entendue. On se méfiera du développement durable, flottant dans son concept comme dans les pratiques qui s'en revendiquent, comme une indescriptible fourre-tout à quoi pourrait s'opposer la recherche patiente, précise et rigoureuse d'un modèle alternatif vraiment durable ou vraiment soutenable, économie et société. Je trouve que les qualificatifs qui choisit, donc une recherche patiente, précise et rigoureuse, c'est vraiment l'appel, hein, dans le fond, que ce concept devrait nous donner, et non pas simplement des recettes magiques de dire, ben, je paye mes crédits carbone ou je replante des arbres parce que je suis un bon citoyen corporatif. Mm-hmm. Mais bien de réfléchir collectivement et individuellement à ce que nous devons faire et qui n'est pas simple. Non, en effet. Il faut savoir dans le détail et dans la rigueur intellectuelle, ce que malheureusement, nous ne voyons pas très souvent. Donc, c'est difficile de savoir qui doit commencer à impulser ce mouvement-là de réflexion collective. Tout à fait. Vous avez raison. Et je pense que c'est souvent le problème, la caractéristique, pardon, des problèmes complexes, hein, c'est à la fois collectif comme problème comme solution et individuel. Donc, il n'y a pas, on ne doit pas attendre le Messie, on ne doit pas attendre que l'État, par exemple, règle tout, mais on ne peut non plus s'en passer de cette décision collective-là et de nos gestes individuels parallèlement. Donc, c'est toujours l'espèce d'attentisme qui, à mon sens, nous nuit depuis des décennies. C'est-à-dire que tout le monde regarde en disant, ben, qui va bouger le premier, hein? Et l'État, ou n'importe quelle organisation collective, ça peut être dans nos communautés, dans nos quartiers, donc collectivement, on a une possibilité de changer les choses, mais on doit le faire aussi individuellement. Autrement dit, là, comme on dit en bon québécois, les bottines doivent suivre les badines. Oui. C'est beau dire que nous désirons protéger ou même ne plus exploiter les ressources non renouvelables, mais je vous parle présentement à travers mon téléphone portable qui compte je ne sais plus combien de matériaux issus de l'exploitation minière qui sont non renouvelables. Donc, il y a des choix qu'on doit faire individuellement et collectivement, mais qui se basent, et c'est pour ça que je réfère à l'auteur de ce philosophe, il suffit pas de faire son recyclage, finalement. Voilà, exactement. C'est très exigeant comme réflexion, oui, et comme décision à prendre. Mm-hmm. Est-ce que, pour les quelques minutes qui nous restent, est-ce que vous pourriez nous résumer les solutions que vous proposez aux auditeurs, comme vous venez si bien de l'expliquer, il n'y a pas de solution facile? Ben, j'aurais pas la prétention de donner un livre de recettes, évidemment, puis de solutions toutes faites, mais justement, la leçon à tirer à la lecture de cet ouvrage et de bien d'autres réflexions, bien sûr, c'est de justement pousser la discussion la recherche d'informations, de connaissances, etc. Donc, autrement dit, de ne pas s'engager dans des décisions simples et simplistes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de s'engager dans un processus de réflexion beaucoup plus profond. Je vous parlerai dans la dernière chronique de la saison de décroissance, qui est un phénomène ou un concept relativement relié au développement durable, qui est un peu plus radical. Mais de s'engager dans cette réflexion sur la logique, votre émission le fait là toutes les semaines, hein, sur la logique du capitalisme tel qu'on le connaît présentement, ça demande, comme citoyen, un exercice très exigeant qui ne se résume pas à un statut Facebook ou à un article de 500 mots. Hein. On doit se réunir pour réfléchir, apprendre et discuter de ces problèmes-là pour pouvoir en trouver des solutions plus étoffées et plus subtiles, en fait. OK. Puis, une des bonnes pistes pour cette réflexion-là, c'est le livre. Pouvez-vous nous rappeler le titre? Oui, je répète donc. Le titre est « Philosophie du développement durable », tout simplement, au Prêt-Universitaire de France, de France Durbage. De France Durbage? Durbage, B-U-R-B-A-G-E. OK. Donc, on le mettra sur le site web pour que les auditeurs puissent aller le lire. Merci beaucoup, Yannick Marcil. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous allez être présent à la journée d'études d'Attaque Québec à Montréal le 22 février prochain. Absolument. Une belle journée d'études sur... en fait, qui pose une question. Sommes-nous après la crise économique de 2008 ou dans une crise permanente? Excellent. Donc, on invite les auditeurs à s'inscrire à cette journée d'études. Il y a une page Facebook, d'ailleurs. Donc, oui. Les auditeurs qui veulent en savoir plus en attendant peuvent se rendre sur votre site yannickmarcil.com. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.